Ben, moi, c'est passé un peu passé, une heure aux États-Unis. Comment il s'appelait, lui? Il se pensait tellement beau, fin, puis intelligent, mais il en était insupportable. Quelqu'un qui est fendant de même, qui est fraîchi de même, c'est insupportable. Donc, les femmes, il fuyait. Pourtant, il est intelligent, il est beau, il est fin, il a de l'argent. Ben, il s'est mis à délirer que toutes les femmes, dans le fond, c'était des écœurantes, puis il haïssait, puis tout, puis il a fini par tuer plein de monde. Par frustration. Ce qu'il appelle les incels. Parce que lui, il traitait les femmes, c'est des folles puis des connes parce qu'ils veulent pas de moi. Mais pas capable de. Ben, c'est toi le problème. Mais il voulait pas voir sa partie de responsabilité par rapport à la situation. Fait qu'il projetait le mal sur autrui, puis probablement qu'il vivait des formes de fantasmes de persécution qui étaient entretenues par l'astral dans sa psyché. Ben, l'affaire, c'est parce qu'à un moment donné, la personne, elle va dire, je mérite pas ça, puis là, elle veut se venger. Ben c'est ça, la personne qui se sent persécutée devient persécutrice. Ben oui. C'est pour ça que je te dis, c'est une façon de tout revenir à l'envers. Le gars que ça marche pas, de dire dans sa tête, je suis pas intelligent, ils vont dire, je suis le plus intelligent du monde. C'est les autres qui c'est toutes des cons. Ben là, c'est l'astral, ça, puis c'est de la grosse manipulation, puis c'est dangereux. Ça fait du monde dangereux. Oui, La surtout personne, elle s'ils peut se replier sont. sur elle-même, puis là, c'est là qu'ils. Là, ils se mettent à avoir. Là. Une fois qu'ils sont coupés du monde, la moitié de la job est faite. Ben, c'est un autre aspect. D'ailleurs, j'ai fait un enregistrement il y a à peine quelques heures en lien avec ça. S'il y a des gens qui s'intéressent, c'est ça, vous pouvez l'écouter. Donc, initié et ou schizophrène, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. L'un des points que j'abordais, c'est que, je traitais des différents symptômes associés à la schizophrénie. L'un d'entre eux qui revient souvent, c'est la personne qui va connaître un repli sur elle-même. Elle sent incompris des gens de l'environnement parce que des perceptions que les autres n'ont pas. Fait que là, elle va se replier sur elle-même, elle va se désaffilier progressivement de la société, du travail, des collègues. Puis là, en restant tout seule chez elle, puis si elle se met à entendre des voix, bien là, elle va être de plus en plus manipulable, puis il n'y aura pas des gens d'extérieur qui vont la remettre en question ou l'ajuster, là. L'isolement, là, comment je pourrais dire ça? C'est sûr, des fois, bon, il y a des pauses que c'est plus dur, et puis les gens ils vont avoir besoin d'être en retrait un temps. Mais c'est pas supposé être un processus qui s'accentue tout le temps pendant des années. Il n'y a rien de bon à. T'sais, l'affaire, là, il est pas bon que l'homme soit seul, là. C'est pas juste. T'sais, Une je vous dis, phrase c'est toutes biblique. les. Ouais, mais c'est parce que t'es un être social, l'être humain. Quand il est asocial, c'est parce qu'il y a quelque chose, il manque un morceau. Il y a quelque chose qui est pas là. Ou il y a quelque chose qui est pas intégré. Ça peut être à cause de des traumatismes. C'est comme j'avais vu ça, t'as un vétéran du Vietnam qui était plus capable de s'insérer dans la société. Il était coupé du monde. Une bonne personne pourtant, mais après avoir été coupé du monde pendant 25 ans, il était plus fonctionnel socialement. Fait qu'à un moment donné, il s'imagine des conflits avec tout le monde. Puis à un moment donné, il vire fou. Puis le gars, il est paranoïaque, il est armé jusqu'aux dents. Ça peut pas bien finir. Pourtant, c'est pas un mauvais bonhomme, là. Mais ils l'ont eu. Cette guerre-là, il l'a pas eu. Il l'a C'est ça, perdu, mais la ça. personne peut se construire un récit où elle va dire ben, qu'elle est une initiée, fait qu'elle se préserve de l'astral parce que l'environnement est rempli de gens astralisés. Ben, si t'es un initié, ça veut dire des affaires qu'elle comprend pas. Parce que c'est justement l'espèce de différence fréquentielle avec l'entourage qui fait que le contact des autres va te mettre en vibration. Puis jusqu'à un certain point, ça t'active. T'sais, c'est important de côtoyer du monde. Même quand ça fait des chocs. Sinon, on va devenir. Tout devient insupportable. Si on n'est plus capable de supporter le monde, ça ne veut pas dire que c'est de l'intégration, puis c'est peut-être Parce que la personne dit, je préserve ma sensibilité parce que les Voyons plants ont donc. ouvert mes sens, donc je suis plus sensible, Fait qu'à ce moment-là, je veux plus souffrir que l'autre puisse souffrir de ma vibration. C'est pas ça, pas de bon sens. Vraiment. Si tu vibres si haut que ça, là, c'est normal que les autres ils te mettent en vibration, mais pas au point où t'es rendu que c'est comme insupportable, là. Je veux dire, c'est sûr que c'est toi qui vas souffrir plus vibratoirement. Mais puis, c'est pas la fin du monde. Et aussi, il faut que tu tries dans le sens que t'es pas obligé de côtoyer n'importe qui. Bon, en tout cas, tu sais, c'est le contact avec justement des gens astralisés qui nous gardent. Éveillé parce qu'on est attaqué Ben, psychiquement. moi, je trouve ça stimulant. Ben, sinon, c'est plus stimulant que de rester enfermé sur soi-même. Là, ta fréquence en baisse, là. C'est ça, mais c'est paradoxal parce que la personne peut dire, ben, elle se préserve vibratoirement de la pollution astrale ambiante, mais paradoxalement, ça se peut qu'elle soit manipulée par l'astral en étant en retrait pour justement être en vase clos puis être limitée. Si t'es coupé des autres, t'es coupé de toi-même, quelque part.